Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Québec rouge, le mouvement marxiste-léniniste du Québec des années 70 et 80. Moi, je suis entrée effectivement dans le mouvement marxiste-léniniste parce que tous les jours, je travaillais avec des gens vivant dans la pauvreté, dans l'exclusion, comme on dit aujourd'hui, souffrant de discrimination. Et je n'arrivais pas à trouver autour de moi des gens qui vraiment me disaient « Oui, on est d'accord, il faut changer ça profondément. » Sauf les marxistes-léninistes. Françoise David, militante à l'époque dans le groupe marxiste-léniniste En lutte et qui va devenir plus tard députée de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, extrait de l'émission Pierre Nadeau rencontre diffusée en 2002. Le mouvement marxiste-léniniste a bel et bien fait partie de la réalité politique et sociale du Québec des années 70 et du début des années 80. Et même si on a aujourd'hui à peu près tout oublié de l'existence des ML du Québec des années 70, de nombreuses figures publiques du Québec d'aujourd'hui ont milité dans leurs années de jeunesse dans ces mouvements marxistes-léninistes. Moi, je suis un démocrate égaré chez les Mao. Pourquoi? Ben, à la fin des années 70 ou en 73-74, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Allende a été élu démocratiquement, a été renversé par une junte militaire. L'Espagne, le Portugal sont des dictatures. La Grèce, on avait tous vu Z de Costa Gavra. Alors, il y avait une démocratie renversée par les militaires parce qu'ils portaient trop à gauche. La CIA avait renversé des démocrates ici et là. Et au Québec, le Parti québécois avait, en 73, augmenté le nombre de ses votes, mais réduit le nombre de ses députés. On a vécu la crise d'octobre. Alors, pour un certain nombre de démocrates, on tirait la conclusion que c'était faux, la démocratie libérale, que jamais la gauche pourrait prendre le pouvoir ou le garder, et que donc, il fallait regarder ailleurs. Ouais. Et ailleurs, ce qu'il y avait, dans le milieu des années 70, la Chine communiste, et là, on était tous contre l'Union soviétique, bon, mais la Chine communiste semblait être cette énorme démocratie. Et là, je vous avoue là, qu'à l'époque, on lisait des milliers de pages, que ce soit de la Chine de Makioki ou la moitié du monde des Broyel, ou, tu sais, il y en avait plein. Je veux dire, là, on avait quand même des documents devant nous qui semblaient dire que c'était possible. En avant, pas les terres, soyons prêts, soyons prêts. Sur l'appel du Comintern, hymne chanté à l'époque par le groupe culturel de la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada, vous entendiez Jean-François Lisée, l'ex-journaliste devenu politicien, aujourd'hui chef du Parti québécois, à l'émission Christiane Charrette, diffusée en octobre 2007, pour nous raconter la vie de militants ML dans ce Québec des années, surtout les années 70, mais un peu des années 80 aussi. Je reçois Gilles Morand, qui a lui-même été membre de la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada, devenu par la suite le Parti communiste ouvrier. Gilles Morand, qui est également l'auteur de l'ouvrage « L'époque était rouge, militer au Québec pour un avenir radieux dans un parti marxiste-léniniste ». Gilles Morand, bonjour. Bonjour. Quand vous repensez à cette époque où le Québec était donc rouge, pour reprendre le titre de votre livre « L'époque était rouge », qu'est-ce qui tout de suite, spontanément, vous vient en tête? On était des gens qui avaient envie de changer le monde. On vivait, selon nous, dans un monde d'exploitation des ouvriers, avec beaucoup d'injustice. Et moi, qui avais grandi dans un quartier ouvrier, mon père était ouvrier, et on était assez pauvres. Et j'ai travaillé très, très jeune, même dans des usines assez difficiles. Et donc, en 1970, j'ai vu l'armée arriver dans ma petite ville, Valleyfield, qui est près de Montréal. Ouais. J'avais 13 ans à l'époque. On voyait tout ce qui s'est passé aussi pendant les événements d'octobre 70, le FLQ, et en quelque part, moi, je trouvais que c'était des revendications légitimes, et par la suite... Donc, la volonté d'agir, de changer les choses, le rêve, aussi l'idéalisme d'un monde meilleur, c'était ça. La pulsion, elle était là. Oui, absolument. On manifestait pour un oui ou pour un non. Il y avait des grèves un peu partout, et... Moi-même, même dans le conseil étudiant, la polyvalente, on organisait des manifs pour avoir le droit aux cheveux longs ou pouvoir aller dehors pendant les cours libres. Et donc, ça pavait la voie à aller plus loin pour, dans des revendications là, qui nous semblaient justes. Puis c'était dans l'air du temps. À vous écouter, il y avait quelque chose. D'ailleurs, il y aura énormément, puis ça va jouer dur parfois, il y aura énormément de groupes différents là, dans cette mouvance d'extrême-gauche marxiste-léniniste. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, comment ça se passe, la cohabitation entre ces différents groupes, Gilles Morin? Ça se passe assez mal, en fait. Moi, j'ai adhéré à la Ligue en 1976, alors qu'un type qui m'avait embarqué en autostop m'avait parlé d'une réunion, d'une assemblée qui allait avoir lieu un peu plus tard, et ça m'intriguait. Il faut voir aussi que... le Parti québécois, qui nous semblait assez révolutionnaire à l'époque, ça n'allait peut-être pas assez loin. Ouais. Et donc, j'étais allé à cette assemblée, puis entre-temps, il y a des gens de la Ligue là, qui nous inculquaient des notions de la Révolution et de c'était quoi le socialisme et le communisme. Et, il y avait d'autres mouvements, effectivement, qui étaient considérés comme des ennemis, au moins autant que la classe dirigeante, et parfois il y avait des frictions. C'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'il y avait quelque chose de très dogmatique. Il y avait un idéalisme, mais des fois, l'idéalisme, ça veut dire qu'il y a une vérité, et il y avait votre vérité à la Ligue, qui n'était pas tout à fait la même que la vérité dans Lutte. C'était ça, au fond, la réalité. Là, Oui, parce que bien malin, qui pouvait vraiment distinguer c'était quoi les grandes choses qui séparaient nos idéologies. En fait, c'était souvent des détails, mais on était passablement tenus dans l'ignorance. Des lignes politiques des autres partis, comme En Lutte et Union bolchevique, par exemple. Et, en fait, on nous disait que c'était des opportunistes, que c'était pas des vrais révolutionnaires, que c'était des intellectuels, alors que nous, on voulait se lier aux masses. Ouais. Donc, ça commence par ce voyage en autostop en 1976 pour vous. Vous rencontrez ce gars qui vous prend en autostop, puis c'est le début de votre aventure. Ça va vouloir dire quoi? Votre engagement? De quelle nature va être votre engagement à la Ligue marxiste-léniniste? Au début, comme je jouais un peu de guitare, j'avais entendu parler qu'il y avait un groupe culturel lié à la Ligue qui chantait des chansons révolutionnaires pour aller dans des assemblées ou différentes manifestations. Ce qu'on vient d'entendre, là, au tout début de l'émission. Oui, oui. Mais ça, c'était le gros groupe qui était à Montréal. Mais il y avait des petits groupes dans les régions, comme avaient les filles. Il y avait nous. Et donc, moi, je me suis intéressé et je me suis un peu imposé. Comme je chantais pas si mal et je jouais un peu de guitare, donc j'ai été intégré dans une cellule qui était dite territoriale, parce que ceux qui n'étaient pas déjà dans une manufacture importante ou dans un milieu important pour la Ligue étaient intégrés dans une cellule plus générale. Oui. Donc ça a été mon cas, d'abord dans le groupe culturel et ensuite dans une cellule territoriale. Où là, vous êtes plus occupé du journal, c'est ça? Ah non, ça, c'est beaucoup plus tard. En fait, c'est quand j'ai été engagé dans une usine d'explosifs dans notre région qui était considérée comme une usine vraiment stratégique par la Ligue, parce qu'on se disait que si jamais il y avait la guerre... Eh bien, le gouvernement prendrait le contrôle de cette usine. Donc, à ce moment-là, quand j'ai été engagé là, j'ai été intégré immédiatement à cette cellule-là, la cellule de cette usine, qui était très, très importante. Donc ça, c'est fascinant. L'idée, vous êtes sérieux, là, vous voulez faire la révolution, vous dites même, dans votre tête, parce qu'avec le recul, il y a quelque chose de surréaliste, mais vous vous dites, c'est stratégique, cette usine-là, il faut qu'il y ait des membres de la Ligue qui travaillent là. Il y a un travail d'infiltration dans les milieux ouvriers. Absolument. Moi, quand j'ai été engagé, dans cette usine-là, on était 1000 ouvriers à l'époque. Donc, on était une dizaine à être engagés en même temps à rentrer dans une masse d'ouvriers. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été engagées à ce moment-là. Donc, on a rentré plus ou moins subtilement en même temps. Et une fois, quand on avait notre probation faite, eh bien là, on devenait des membres ouverts. Sauf qu'il y avait quelques personnes qui restaient secrètes parce que ça pouvait être stratégique de garder des gens qui étaient clandestins à l'intérieur de l'usine. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là, quand j'étais dans cette cellule importante, où on m'a demandé de préparer le journal. C'était le journal La Forge qui sortait à chaque semaine et qu'à un moment donné, qui était diffusé à peut-être 1000 exemplaires seulement dans notre région, Valleyfield. Et donc, ça prenait quelqu'un qui préparait le journal à chaque semaine pour en faire part aux autres camarades autour de la table, et donc pour les réunions du dimanche matin. Et donc, il fallait se lever très tôt. C'est pas les vacances. Ça, en préparant le dossier, je me suis rendu compte, c'est étonnant, mais on pense des mouvements de gauche, ça peut être cool, baba cool. Non, c'est grande discipline, une hiérarchie aussi très forte. Certains ont parlé de secte, mais c'est pas les vacances. Vous vous levez de bonne heure, vous travaillez beaucoup. Oui, on travaille beaucoup. En fait, parfois, ça pouvait être du 7 jours sur 7 et on n'avait pas beaucoup de latitude. Entre autres pour prendre connaissance des ouvrages théoriques sur le marxisme-léninisme. Donc, on lisait beaucoup des brochures de la Ligue ou du Parti plus tard, et aussi ou certains chapitres des grands classiques du marxisme. Ouais. Mais on travaillait beaucoup pour diffuser le journal aux portes des usines ou aux caisses populaires. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais parlez-moi de l'aspect clandestin. Ça fait partie de la vie d'un militant ML, la clandestinité. Ça veut dire quoi, concrètement, cette clandestinité-là? C'est un élément très important parce qu'on avait l'impression d'être fiché ou suivi, épié par la GRC au cas où ça pourrait leur servir si jamais la révolution se développait. Donc, on se donnait des noms de guerre. Moi, c'était Robert. Et chacun avait son nom de guerre. Ouais. Et donc, ça pouvait brouiller les pistes. Donc, moi, j'étais responsable du journal et des abonnements aux ouvriers ou aux autres personnes qui prenaient un abonnement. Et il fallait garder très secrètement les listes. Ouais. Sinon, c'était une faute très grave s'il fallait que ça tombe dans les mains de la police. Des langages, un langage codé, comme ça existait d'ailleurs à l'époque du Bloc de l'Est, là, dans des pays comme la Pologne ou ailleurs. Mais je lisais encore une fois en préparant le dossier des témoignages où les gens disaient, mais on savait même plus de quoi on parlait, là, parce qu'on pouvait pas appeler un cheval un cheval. On en perdait littéralement notre latin, là, ou à peu près parfois. Ben, en fait, oui, c'est sûr qu'on pouvait avoir des codes. Entre autres, il fallait toujours changer d'endroit pour faire nos réunions, parce que sinon, une place devenait brûlée. Mais d'une façon ou d'une autre, il fallait le faire quand même, parce qu'il fallait tenir des réunions. Et là, si on n'avait pas... C'était chacun notre tour à trouver un endroit pour faire nos réunions, mais si on n'avait pas réussi à trouver un copain ou un cousin ou quelqu'un qui nous passait son appart... On le faisait chez nous et là, on se faisait engueuler par les dirigeants. Un petit mot, Gilles Morand, sur... bon, on ne parlera pas de la contribution financière, mais il y en a une qui est demandée parce qu'il faut faire vite, le temps file rapidement, mais l'organisation prend énormément de place. Je disais, c'est une structure qui est assez autoritaire. Et quand on est marxiste-léniniste, quand on est militant, ça veut dire qu'on accepte d'une certaine façon une certaine intrusion du parti, de la Ligue, dans notre vie privée. Vous en parlez de ça dans votre livre. Un exemple ou deux de ce que ça veut dire. Ben, moi, personnellement, on me demandait de donner 100 $ par mois, ce qui était une somme considérable à l'époque, mais moi, j'en donnais 50. Je trouvais que c'était bien suffisant. Donc, je me faisais critiquer à chaque fois pour ça. Et j'habitais avec ma copine de l'époque, dans ce temps-là, et comme elle n'était pas dans la Ligue, on m'avait demandé de tenir un dossier sur elle. Comme on tenait un peu un dossier plus ou moins formel sur chacun de nos contacts, à qui on donnait un nom de guerre. Et quand on m'avait demandé d'espionner ma copine, j'avais refusé carrément. Ouais. Et même, j'avais laissé la Ligue pour quelque temps. Et on avait réussi à me répéter parce que je croyais encore en les idées, mais là, il avait comme renoncé à me faire espionner ma propre copine. Il y a un tournant qui est important pour la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. En 1979, la Ligue se transforme en parti politique, devient le Parti communiste ouvrier. Le parti va d'ailleurs présenter des candidats aux élections fédérales de 1980. Le Parti communiste ouvrier présentera 30 candidats aux élections fédérales du 18 février, dont une dizaine dans la région de Montréal. Ces candidats ont été recrutés pour la plupart au sein de groupements syndicaux et d'organisations communautaires. Formé en septembre dernier, le Parti communiste ouvrier veut offrir une alternative ouvrière aux partis bourgeois que sont pour lui les partis traditionnels. Le PCO entend démontrer au cours de cette campagne que ce sont surtout les travailleurs qui font les frais de la crise économique. Nous allons aborder trois grands thèmes. Le thème de l'énergie, nous allons revendiquer le gel des prix du pétrole au pays. Le thème de l'économie, nous allons surtout exiger l'arrêt des mesures d'austérité des gouvernements, puis la défense des droits syndicaux et la réouverture des contrats pour des augmentations comparables au coût de la vie. Et aussi la question nationale québécoise, nous allons revendiquer le droit à l'autodétermination du Québec. En plus, l'esprit qui anime notre campagne va être celle de l'explication du socialisme comme solution fondamentale aux problèmes que subissent les travailleurs de notre pays. Extrait du téléjournal du 15 janvier 1980. Vous entendiez, entre autres, dans cet extrait, le président du Parti communiste ouvrier, Roger Rachy. Pourquoi Gilles Morin, un parti politique? Puis quel objectif ce parti-là poursuit politiquement, justement? C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai entré dans la Ligue, et pour nous, la création d'un parti, d'ailleurs, c'était le slogan « Forgeons notre parti », c'était un peu le saint Graal de nos visées. La consécration, on existe. Consécration. Oui, on existe et on va pouvoir présenter des candidats, voire même d'avoir des gens qui peuvent être élus, donc être plus connus, faire valoir nos revendications. Bref, avancer vers l'objectif de la révolution. Et je me souviens quand le parti a été créé, ça nous avait été annoncé à une réunion de cellules et puis c'était vraiment une grande victoire. Ouais. Et le début du grand soir. C'était quelque chose. Il y aura un autre, puisqu'on est dans l'action politique, il y aura un autre événement qui va être très, très important dans l'évolution du mouvement ML au Québec. C'est la campagne référendaire de la souveraineté du Québec en 80. C'est peut-être une partie, en tout cas, du début de la fin. Le groupe En Lutte, le Parti communiste ouvrier, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais En Lutte aussi, appelle à l'annulation du vote à ce moment-là, durant la campagne référendaire de 80. Déjà en mars 78, Charles Gagnon, du groupe En Lutte, justement, tente d'expliquer sa position sur la question nationale québécoise. On est favorable au droit à l'autodétermination. On préconise le droit à l'autodétermination du Québec. Les Québécois, comme nation particulière, ont le droit de choisir. Et leur choix sera le choix qu'il faudra prendre, adopter, quelles que soient nos opinions. Sauf que face à ce choix-là, nous, on dit que ce n'est pas le meilleur choix, l'indépendance. Au contraire, c'est un choix qui peut conduire à encore plus de difficultés économiques, sociales, etc. Qu'est-ce qu'ils font au pouvoir, à la direction du PQ, ceux qui y sont à l'heure actuelle? Ils font la même chose que ceux qui les ont précédés dans la voie nationaliste. C'est s'appuyer sur le sentiment national québécois. Et à l'aide de ça, avec cette force de pression-là, obtenir des concessions de la part de la bourgeoisie canadienne, du gouvernement d'Ottawa, etc., qui leur permettent d'augmenter leur pouvoir économique et de jouer un rôle politique. Mais pendant ce temps-là, l'oppression nationale n'est pas pour autant disparue. Ça va être difficile pour vous, cette période référendaire de 1980, Gilles Morin. Comment vous allez vivre cet épisode-là? Difficilement, parce que moi, j'étais un partisan de la première heure de l'indépendance. Je me souviens, j'avais 12-13 ans, puis on est allé voir René Lévesque à l'aréna. Et c'était, pour nous, c'était comme la révolution. C'était tout allait mieux quand nous aurions le Parti québécois au pouvoir. Un peu plus tard, Claude Charron était venu aussi. Il parlait de la notion de projet. Ouais. Donc, on était vraiment ébahis par ces belles idées. On avait beaucoup d'espoir. Moi, j'aurais voulu voter pour l'indépendance, évidemment, et ça nous était fortement déconseillé. Et j'ai annulé mon vote, la mort dans l'âme. Et donc, on prônait ça. mais du bout des lèvres, en tout cas en ce qui me concerne. Puis en parlant avec des anciens camarades d'aujourd'hui, ils me disent qu'ils étaient dans le même état d'esprit. On avait beaucoup de difficultés à convaincre les gens d'annuler leur vote. En fait, non seulement la difficulté, on ne réussissait pas. Ouais. Est-ce que ça a été pour vous, parce que l'année suivante, en 81, vous quittez le parti, est-ce que c'était ça pour vous le début de la fin? Pourquoi vous décidez de partir? Ça a été un élément très important parce que pour moi, encore aujourd'hui, je suis un indépendantiste fini. Et je garde toujours un espoir. Donc, c'est sûr que nous, on voyait ça à l'époque comme c'était une ligne qui était avancée par les camarades du Canada anglais, qui en fait, eux autres, ils n'en avaient rien à foutre de nos velléités d'indépendance. Et donc, on sentait que c'était vraiment télégraphié du Canada anglais. Ouais. Et finalement, on s'était ralliés, comme on se ralliait toujours aux positions du parti. On va boucler la boucle, je disais au tout début de l'émission, qui a, même si ça a occupé beaucoup de place, ce mouvement ML, il y a eu beaucoup de militants, là, des gens qui sont devenus ensuite des politiciens actifs, qui ont milité dans leurs jeunes années chez les ML. Aujourd'hui, on a à peu près tout oublié de ça. Pourquoi? On écoute la réponse de Marcel Simard, qui a entre autres réalisé le documentaire « Il était une fois le Québec rouge ». Il en parle au micro de Marie-France Bazot à l'émission « Indicatif présent » en 2003. On a vécu ça d'une façon très, très, très dure. Et évidemment, quand tout ça s'est terminé, ben, on veut dire, on était contents, spécialement pour les gens qui vivaient cette espèce de dogme sectaire-là, puis dont les comportements aussi étaient très imprégnés de cette idéologie-là. Et tout à coup, du jour au lendemain, on n'en a plus jamais entendu parler, ou presque pas. Il y a quelques personnes qui ont publié des textes. Il y a Jean-Marc Piotte qui a publié un livre là-dessus, mais il y a eu très peu. Mais pourquoi est-ce tabou, d'après vous? Bien, je pense qu'il n'y a personne qui se vante de « Oh, j'ai fait partie d'une secte, je me suis fait avoir, j'ai été mis dans une espèce de boîte où on m'empêchait de vivre ma vie, j'avais plus de libre arbitre. » Il n'y a personne qui va se vanter de ça. Pour moi, c'est une période très noire pour la gauche québécoise, cette période-là. C'est peut-être trop fort, mais il y a un tabou. On n'en a à peu près pas parlé, cette époque-là. Oui, le tabou est très certainement là. Ça a pris beaucoup d'années avant que des gens commencent à en parler. Mais même encore aujourd'hui, je connais des gens qui disent qu'ils ne veulent pas parler de cette époque-là parce qu'ils avaient été brainwashed ou un genre de lavage de cerveau. Ouais. C'est pas mon analyse, parce que pour moi, on était un mouvement politique organisé qui avait un but en tête de faire la révolution, et donc il fallait être très structuré, il fallait qu'il y ait une discipline. Donc, ce fut une époque. Moi, j'ai écrit ce livre pendant que je me souvenais de ces événements-là. Je voulais participer à la mémoire collective et laisser une trace, parce que je vois bien que pratiquement personne n'a écrit sur ce sujet. Puis je suis fier de l'avoir écrit. C'est un livre témoignage et non pas une analyse politique. Là. Gilles Morand, ex-militant marxiste-léniniste, auteur de l'ouvrage « L'époque était rouge, militer au Québec pour un avenir radieux dans un parti marxiste-léniniste ». Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.